C'est à vous, François Morel. Arrêtez de faire chier Bernard Pivot. Pendant 15 ans, à la fin du siècle dernier, Bernard Pivot a donné envie d'acheter des livres, parfois des chefs-d'œuvre, parfois des bouquins oubliables. Mais chaque vendredi soir, sur le service public, il a donné envie de lire, c'est-à-dire de tenter de comprendre le monde. Le monde est composé notamment de types bien et de salauds. Hélas, et c'est injuste, et c'est amoral, mais ce ne sont pas toujours des types bien qui écrivent des bons livres. Hélas, et c'est scandaleux et c'est abusif. Mais les salauds ne sont pas toujours dénués de talent. Hélas, et c'est révoltant et c'est désespérant, des types très gentils, très fréquentables, écrivent parfois comme des sous-merdes. C'est comme ça, on n'y peut rien. Il existe même des sous-merdes qui écrivent des livres à chier. En l'occurrence, je ne sais même pas si Gabriel Matzneff était un bon ou mauvais écrivain, vu que je ne me suis jamais donné la peine de le lire. Arrêtez de faire chier Bernard Pivot, sous prétexte qu'il a reçu à plusieurs reprises un écrivain pédophile dont les propos en son temps auraient dû alarmer le parquet qui en d'autres occasions s'est saisi de lui-même mais qui à l'époque a préféré se taire, fermer les yeux et se boucher les oreilles. Arrêtez de faire chier Bernard Pivot, il n'est pas l'inventeur de la pédophilie, pas non plus son prosélyte. Pivot a invité des militaires sans promouvoir la guerre, Pivot a invité des curés sans défendre la religion. Bernard Pivot, qui n'a jamais était ni juge ni procureur, organisait des discussions, devait penser pas forcément à tort que le téléspectateur était assez grand pour se faire son opinion lui-même. Il donnait à voir et à entendre, comme dirait Boris Vian, qu'on aurait adoré voir comme invité à apostrophe. Arrêtez de faire chier Bernard Pivot qui a donné tant de bonheur de spectateur. Brassens défendant son antimilitarisme face à Bijard, Modiano cherchant ses mots, Truffaut évoquant Hitchcock, Bukowski caressant le genou de Catherine Paysan, Simenon évoquant sa fille, et puis tous ses documents pour l'histoire, Duras, Nabokov, Solzhenitsyn, Paul Guth et Cohn-Bendit. À l'époque, Cohn-Bendit paraissait plus sexy que Paul Guth. Aujourd'hui, Paul Guth ne paraît pas plus sexy, mais semble avoir post-mortem remporté le débat. Arrêtez de faire chier Bernard Pivot. Si Louis-Ferdinand Céline avait été vivant du temps d'apostrophe, il aurait sûrement été invité par Pivot et personnellement, sans doute, aurais-je pris un certain plaisir à écouter cette ordure antisémite, par ailleurs grand écrivain. Arrêtez de faire chier Bernard Pivot. Si apostrophe avait été vivant du temps de Frédéric Becbédé, sans doute y aurait-il été invité, sans doute aurais-je ressenti un certain agacement à entendre des propos inélégants et malhonnêtes. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Je vous présente tous mes vœux pour la nouvelle année. Ah oui, pendant que j'y pense, une dernière chose. Arrêtez de faire chier Bernard Pivot. On a compris. François Morel, merci à vous.